fois j'ai visé la tête. Où sont ces chiens? Dorénavant je suis maître. 800 euros sur une quête. J'ai plus le pot pour acheter un grec. Chop, chop, chop, mais j'ai vendu la main. Jamais j'ai vendu la mèche. Je connais la haine. Tu charognes sur la craque. Crac en forêt de merde. Jamais j'ai tourné ma veste. Je ne fais pas de lèche. Négro, je suis pas comme le reste. Pas toi que le fuck que le reste. Je suis venu tout seul, je dois gonfler ma caisse. Ma caisse, c'est ma caisse, c'est ma caisse. C'est sur le parking, je dois garer le fer, le Lamborghini. Toro, Jima, Molo, mais c'est quand que tu les punis? Je fais la rue de la presse. Je fais ma coco, je fais le beau gosse. Avec mes bookmans, je fais ma coco. Je fais le beau gosse et je danse comme un gogol. Je suis dans le fond du Benz, je traîne avec les méchants. On fait pas le con, car on vise pas les jambes. Pour ça j'ai visé la tête. Où sont ces chiens? Dorénavant je suis maître. 800 euros sur une quête. J'ai plus de poids pour acheter un grec. Un exilé qui est vanké. TikTok, je te fais neuf à la fête. Couche-toi, j'ai visé la tête. Lève-toi gros, c'est pas la fête. Les gros poissons n'ont pas d'arrêt. Les gros poissons n'ont pas d'arrêt. Mais la police veut les ralentir. Donc pour ça ils finissent à freine. Et ils font sans hésiter à la sortie. Syndrome de Gilles de la Tourette. Les trouées, les trouées, les trouées. Rien à foutre de vos tabourettes. J'dois mailler comme mon nez. Ramener de la monnaie dans le foyer des foyers. J'dois ravitailler, j'consomme ma monnaie. Monnaie de monnaie. Connard du crime va sonner, va sonner. Faudra raccrocher. Le bénéfice est planqué dans l'avocat. Si le buteur il a fait le gogol, il faut payer l'avocat. Je suis dans le fond du Benz, je traîne avec les méchants. Trouvez pas le con, car on vise pas les jambes. Pour ça j'ai visé la tête. Où sont ces chiens? Dorénavant je suis maître. 800 euros sur une quête. J'ai plus de poule pour acheter un grec. Un exilé qui est vanquette. C'est une doc, j'ai des bénèves à la fête. Couche-toi j'ai visé la tête. J'ai visé la tête. Où sont ces chiens? Dorénavant je suis maître. 800 euros sur une quête. J'ai plus de poids pour acheter un grec. Un exilé qui est vanquette. C'est une doc. J'ai des bénèves à la fête. Couche-toi j'ai visé la tête. Lève-toi gros c'est pas la fête. La pasteur. Ça bouge pas là, bye bye bye. On dirait que la guerre, on est à Cayenne. Ah ouais, là, ce soir on prend que ça va être la guerre ma gueule. Parce que en ce moment il est chaud à 200%, ça bouge pas, bye bye.